a boy. Other boy. for this. Please, I don't wanna be here. I'm gonna serve. surf. I'm gonna surf. I'm gonna survive. I'm gonna surf. I'm gonna survive. If anything goes wrong, I'm gonna surf. Myself this morning, really convinced about what I said to myself this morning, really convinced about it. I'm gonna serve, I'm gonna survive. This is what I said to myself this morning. I'm gonna survive this morning. I won't go. This is what I said this morning. I'm gonna survive. This is what I said. I'm gonna wake up. This morning, oh, you know I'm shit faced. I'll use your feet. Shit faced. I'll use your life. Fuck. What else? I'm gonna survive. This was said to myself. Pour faire des collets, c'est là pour les collets. de gens qui t'aient mis à fond comme je t'ai mis. Y'a peu de chance qu'il y ait d'autres gens qui t'aient mis à donner aussi fort que j'ai pu. Il faut que tu montes ton gars, moi j'en peux plus de ne pas t'entendre, de ne pas t'entendre. Personne chez toi et les cheveux qui ont frisé. Sur le mur, je suis en train de m'appuyer. Tout changé chez moi. J'ai vu Sting, 70 balais, juste un tout petit peu. Je t'entends mieux, mais très très peu, très très, très peu. Tu devrais. Et puis j'ai été bénévole. Au terre où je sais, j'ai vu Murray Head, 79, 80 balais. We'll be right back. gauche qu'à droite. Pourquoi? À mon avis, t'as changé le panoramique. Du tout. Alvin and Nathaniel Dove and the left and oh and the blue the dime and the couple and the pro and my drop on the dime. Dove and light and the wheels and the one in a Dove in my drop and the dime over the dime over the dime over the dime. You see that open, you see that then, you see the then. Not even on one. Not even on one, but even but two. Not even on one. Yann, on t'entend plus du tout. Yann, on t'entend plus du tout. Très très peu. Vraiment, vraiment pas quoi. Yann, on t'entend pas. Et pourtant. Non mais vraiment pas. Ouais. On t'entend pas. Non, toujours pas. À peine, un peu, très peu. Là, tu viens d'augmenter, mais c'est pas suffisant. Tu vois, tu viens de monter là, et toujours pas. On voit que t'as monté, hein. Baisse le son de tes enceintes. Baisse le master, monte le son de ta voix. Baisse le master, monte le son de ta voix. Je suis au casse. I don't know it's going to be a lovely day. C'est mieux, c'est mieux. C'est franchement là, c'est la première fois où c'est mieux. Et bien les gens ils jouent avec toi. Tu peux te monter encore un petit chouïa. Lovely day.

comme le dieu fait d'avoir never been. Oh oh, capable de faire un quête pas. Plus doux. Oh yeah, I don't have the technical level of Wade, my friend. Thank you. C'est la Watt. C'est la Watt. C'est la Watt. C'est la Watt. C'est la Watt. C'est la Watt. C'est celle que je préfère de toutes les matières. C'est la Watt. C'est la Watt. C'est la Watt. C'est la Watt. C'est la Watt. C'est la Watt. Comme les grenouilles c'est au bord d'un étang. We'll be right back. será mal. T'es pas assez fort. Welcome.